Infini. Fakir. Un jour ou l'autre, il aurait fallu que l'on se quitte. Tu es parti, mais peu importe, tu devais revenir. Quoi qu'il arrive, on devait toujours rester ensemble. Tu me le disais, mais tu as fait bon ce qui te semble. Un jour ou l'autre, tu devais revenir chez moi. Mais tout ce que j'ai reçu de toi, c'était tes choix à les accepter. Je ne pouvais rien faire de mieux. Je t'écoutais sans cesse, est-ce l'amour, bon Dieu? Un jour ou l'autre, je pensais que tu m'aimerais de nouveau. Les souvenirs étaient devenus de vrais fardeaux. Je te regardais, exaspéré devant tes photos. Les mémoires de nous deux s'embrassant sur la moto. Séparé de toi, j'allais si mal pendant des mois. Mais rien à faire, ton état d'esprit ne changeait pas. Quand j'y repense, nous étions toujours bien ensemble. À penser que dans 5 ans, nous aurons 2 enfants. Un jour ou l'autre, ma patience était devenue haine. À me trouver des armes foutant des problèmes. Moi je t'aimais, j'aurais voulu t'offrir le monde. C'est à tes côtés que je voulais que mon avenir se fonde. Un jour ou l'autre, je pensais que tout serait différent. Moi qui t'aimais tant et bien autant qu'avant. Un jour ou l'autre, j'attendais un appel de ta part. Je voulais simplement que tu reviennes dans mes bras. Un jour ou l'autre, je pensais que tout serait différent. Moi qui t'aimais tant et bien autant qu'avant. Un jour ou l'autre, j'attendais un appel de ta part. Je voulais simplement que tu reviennes dans mes bras. Merde, mais pourquoi je me fais autant de soucis? Pourquoi ma vie ne tourne qu'autour de toi ainsi? Parfois c'est si dur de vivre dans ce principe que j'aurais voulu effacer tout ce qui a pu nous unir. Si souvent je soupire, si seulement tu viendrais me dire que tu m'aimes simplement au lieu de me nuire. Mais je dois accepter cette triste réalité. Tu m'as laissé sans raison, je voulais connaître la vérité. Un jour ou l'autre, peut-être je ne me lèverai pas. Les yeux fermés, laisse-moi le temps de repenser à toi. Moi, qui ne vivais que pour toi à l'époque. Ce soir, c'est bien ces souvenirs-là que je t'évoque. Un jour ou l'autre, je pensais que tu t'en voudrais. Que les souvenirs passés finiraient par te dépasser. Que par le temps, les sentiments auraient pu changer. Et malgré jamais, je n'ai voulu me venger. Un jour ou l'autre, je changerai sûrement d'avis. Acquérir les fautes est une étape de la vie. Peut-être que cette histoire forgera mon état d'âme. Quoi qu'il en ait, je pense qu'elle est inoubliable. Un jour ou l'autre, écrire mes sentiments ne sera plus indispensable. Mais sache que pour l'instant, cela reste impensable. Un mois à tes côtés, c'était formidable. J'accepte le présent, mais emmerde le diable. Un jour ou l'autre, je ne verserai plus de larmes. L'amour est aussi tranchant qu'une lame. Et sans flamme, je t'aimais, mais peut-être que demain, je t'oublierai. J'improvise ma vie, comme si le vent la conduisait. Un jour ou l'autre, là où le paradis paraît, là où les rires et les sourires ne sont jamais égarés. Tu as comblé un petit chapitre de ma vie. Tu sais, on n'a jamais voulu être de simples amis. Un jour ou l'autre, je pensais que tout serait différent. Moi qui t'aimais tant et bien autant qu'avant. Un jour ou l'autre, j'attendais un appel de ta part. Je voulais simplement que tu reviennes dans mes bras. Un jour ou l'autre, je pensais que tout serait différent. Moi qui t'aimais tant et bien autant qu'avant. Un jour ou l'autre, j'attendais un appel de ta part. Je voulais simplement que tu reviennes dans mes bras. Que tu reviennes dans mes bras. Je voulais simplement que tu reviennes dans mes bras. Un jour ou l'autre, je pensais que tout serait différent. Moi qui t'aimais tant et bien autant qu'avant. Un jour ou l'autre, j'attendais un appel de ta part. Je voulais simplement que tu reviennes dans mes bras. Un jour ou l'autre, je pensais que tout serait différent. Moi qui t'aimais tant et bien autant qu'avant. Un jour ou l'autre, j'attendais un appel de ta part. Je voulais simplement que tu reviennes dans mes bras.